Tony Mendes, l'espion de la CIA qui, en 1980, en pleine révolution iranienne, a réussi l'exploit d'exfiltrer de Téhéran 6 diplomates américains. C'était quelques mois après l'invasion de l'ambassade des États-Unis par des étudiants iraniens et la prise en otage de 52 Américains. Une prise d'otage inédite, dans un climat d'une rare violence qui, pendant plus de 400 jours, tiendra le monde en haleine. Novembre 1979. Il est 13h, vous écoutez France Inter. Plusieurs centaines d'étudiants occupent actuellement l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Ils sont entrés en force vers 10h ce matin et ont pris tout le personnel de l'ambassade en otage. Il y a une chose qu'on ignore encore ce jour-là. Alors que les étudiants franchissent le mur de l'ambassade, s'emparent du bâtiment et séquestrent le personnel, 6 diplomates américains réussissent discrètement à s'échapper par l'arrière et à trouver refuge à l'ambassade du Canada. Ils vont vivre là plusieurs mois, sans sortir, terrés dans l'angoisse permanente d'être retrouvés et arrêtés. En janvier 1980, l'opération de sauvetage menée par Tony Mendes, dite « Opération Canadian Caper », demeure à ce jour une des plus spectaculaires de la CIA. Dans un pays lointain, enclavé, en pleine révolution, où les Américains sont perçus comme les ennemis absolus, la mission semblait impossible. Le plan d'exfiltration élaboré par Tony Mendes semblait lui totalement invraisemblable, pour ne pas dire farfelu. Faire sortir d'Iran les 6 diplomates en les faisant passer pour une équipe de cinéma canadienne venue en Iran effectuer un repérage pour un film de science-fiction. Un plan tellement improbable que les gardiens de la révolution iranienne s'y laisseront prendre. Le 28 janvier 1980, grâce à Tony Mendes, les 6 faux Canadiens vrais Américains réussiront à passer le contrôle de l'aéroport de Téhéran à la barbe des policiers iraniens, à embarquer dans un avion et à revenir sain et sauf à la maison, back home. Mais en 1980, les circonstances de l'exfiltration, le rôle de la CIA, et singulièrement celui de son agent Tony Mendes, furent, comme il se doit, classés secret défense et le resteront pendant près de 20 ans. Vous avez 72 heures pour les libérer. Vous avez déjà libéré des otages comme ça ? Non. Vous nous demandez de vous confier nos vies. Oui, c'est ce que je fais, et je n'ai jamais abandonné qui que ce soit. C'est le film Argo en 2012 qui fera vraiment connaître cette opération au grand public. Pas de doute, cette histoire vraie avait tout pour être adaptée au cinéma. Rocambolesque, pleine de suspense, périlleuse, les chances de réussite étaient minces. Elle avait tous les ingrédients d'un film à succès. Ce sera Argo, produit par George Clooney et réalisé par Ben Affleck, qui également interprète le rôle de Tony Mendes. Un thriller haletant et efficace qui ne raflera pas moins de 3 Oscars et 5 trophées aux Golden Globes. And the Golden Globe goes to Ben Affleck, Argo. Comme souvent, ce blockbuster prend de grandes libertés avec la vraie histoire, on le lui reprochera. Mais en 2012, il permet de révéler au grand public Tony Mendes. Les Américains découvrent à la télé, assis à côté du séduisant Ben Affleck, le vrai héros, l'espion âgé alors de 72 ans, retraité de la CIA depuis plus de 10 ans, un petit homme bedonnant à la moustache blanche et au sourire timide, heureux apparemment de cette reconnaissance inattendue, mais semblant se demander ce qu'il fait là, plus habitué qu'il est à l'anonymat des missions secrètes qu'aux lumières des plateaux télé. Pressé de toutes parts de raconter son histoire, Tony Mendes publiera 4 livres où il revient sur les 25 ans de sa carrière d'espion. Du moins, ce que la CIA acceptera qu'il révèle. « Comme c'est souvent le cas pour les espions, rien dans son enfance ne prédestinait le petit Tony Mendez à entrer à la CIA. Antonio Mendez, aux origines italiennes, mexicaines et irlandaises, est né en 1940 dans le Nevada, état du Far West américain, dans un trou perdu, comme il le dit lui-même, la petite ville minière d'Eureka, qui connut son heure de gloire à l'époque de la ruée vers l'or. Depuis, Eureka est devenue une étape sur l'interminable autoroute 50 qui traverse d'est en ouest le Nevada, surnommée la route la plus solitaire des États-Unis. Quand le petit Tony a 3 ans, son père, qui travaille dans les mines de cuivre, meurt écrasé par un wagonnet. La mère de Tony doit alors se débrouiller seule pour élever ses 4 enfants. À côté de l'école, Tony fait des petits boulots pour gagner un peu d'argent. Par exemple, avec son frère, il ramasse dans les grottes le guano des chauves-souris pour le vendre comme engrais, 1 $ le sac. Mais la passion du petit garçon, c'est le dessin et la peinture. Il aimerait un jour en faire son métier. Bien sûr, il est à 100 lieues d'imaginer que ce talent le conduira un jour vers l'espionnage. Tony commence ses études à l'université du Colorado, mais au bout d'un an, il doit s'arrêter, ne pouvant plus payer les frais de scolarité. Pendant 3 ans, Tony, qui entre-temps s'est marié, travaille comme dessinateur industriel dans une entreprise de l'aérospatiale. Mais un jour, alors qu'il feuillette le Denver Post, le journal local, il tombe sur une annonce qui l'intrigue et qui, il l'ignore encore, va bouleverser sa vie. La Navy, la marine américaine, recherche des dessinateurs qui acceptent de travailler à l'étranger. Sans trop savoir de quoi il s'agit, Tony Mendez postule et reçoit bientôt une convocation à un rendez-vous. Non pas comme il s'y attend dans un bâtiment officiel de la Navy, mais curieusement dans un motel miteux au bord d'une autoroute de la banlieue de Denver. Et lorsque Tony, qui n'est pas au bout de ses surprises, entre dans la chambre du motel, l'homme qui le reçoit, avec son vieux chapeau et sa cravate défaite, a moins l'air d'un militaire que d'un détective de série B. Éclairé par une ampoule qui pend du plafond, l'homme pose sur la table une bouteille de bourbon, serre 2 verres et, après avoir descendu cul-sec son whisky, déclare à Tony « Que les choses soient claires, mon petit gars. Je n'ai rien à voir avec la Navy. » Je travaille à la CIA. La CIA. Tony Mendez s'attendait à tout sauf à ça. L'homme lui explique en quoi consiste le job, réaliser des dessins hautement confidentiels. Tony comprend vite que s'il les dessinait pour son propre compte, il se retrouverait rapidement en prison. Mais dans l'espionnage, les limites de l'interdit sont plus floues que dans la vie normale. Avant de le quitter devant le motel, l'homme le met au parfum. Si tu postules, tu passeras au détecteur de mensonges et une enquête serrée sera menée sur toi pour s'assurer que tu es fiable et que tu n'appartiens pas à une organisation hostile. Mais t'inquiète, on s'en fout s'il t'est arrivé de donner une correction à un type ou deux. Tu dois juste être honnête avec nous. Un parfum de mystère et de transgression qui n'est pas pour déplaire au jeune Tony Mendez, qui accepte assez facilement de se lancer dans l'aventure. Mais qu'on ne s'y méprenne pas, il tient à le préciser dans ses mémoires, sa motivation est avant tout patriotique. Je tenais un moyen de servir mon pays, peut-être même d'influer sur le cours de l'histoire. Convoqué à Washington, il prend l'avion pour la première fois, Tony Mendez passe avec succès tous les entretiens de la CIA et comprend vite que ce boulot sera tout sauf ordinaire. Vous savez, Tony, tout le monde n'est pas prêt à enfreindre les lois d'autres pays, à mentir à sa famille et à ses proches quand ils vous demandent quel est votre métier. Pensez-vous en être capable ? À mon avis, tout le monde n'a pas forcément besoin de connaître la vérité. Surtout s'il s'agit de mentir pour protéger les intérêts de son pays. Nous allons bien nous entendre, Tony. Tony Mendez vient d'être embauché à la CIA. Nous sommes en 1965, en pleine guerre froide entre l'Est et l'Ouest. Une guerre où les services de renseignement des deux blocs, dans une surenchère permanente, jouent un rôle crucial, notamment dans l'innovation technologique. À l'OTS, Office of Technical Service, un service de la CIA en pleine expansion, Tony Mendez est employé d'abord à l'atelier des graphistes. Son travail, tout sauf artistique, consiste à fabriquer toutes sortes de documents, par exemple de fausses publications à propager dans des pays ennemis, dans un but de propagande et de désinformation. mais aussi de fausses pièces d'identité pour les agents qui partent en mission à l'étranger. Un travail de contrefaçon et de faussaire en apparence insignifiant, mais en réalité essentiel. Un faux passeport mal fait peut conduire un agent en mission dans un pays ennemi à être arrêté, voire exécuté. Tony Mendes, de plus en plus performant, développe de nouvelles techniques sophistiquées, notamment dans la fabrication des gadgets. Un peu comme le personnage des films de James Bond, le vieux militaire grincheux qui dirige Q, Q comme Quartermaster, le service qui fabrique pour 007 tous ses gadgets. Que ce soit le stylo explosif dans GoldenEye, le pistolet anti-requin de Vivre et laisser mourir, ou dans Goldfinger, l'indémodable Aston Martin. Bonjour Q. Bonjour 007. On vous octroie cet Aston Martin DB5 modifié. Voyez ce levier de changement de vitesse. Si vous ôtez le capuchon, vous trouvez un petit bouton rouge. Quoi qu'il arrive, n'y touchez pas. Hein, pourquoi ? Vous libéreriez cette partie du toit immédiatement. Et le siège voisin du vôtre, celui du passager, serait éjecté. Un siège éjectable ? Vous plaisantez ? Je ne plaisante pas dans le travail, 007. Sean Connery, alias James Bond, ne prend pas très au sérieux les inventions de Q. Pourtant, il a tort de faire le malin, car l'Aston Martin et son siège éjectable vont bientôt lui sauver la vie. Un homme élégant ne doit pas sortir sans cet engin. À l'OTS, Tony Mendes passe bientôt maître dans le disguise, le déguisement, ou plus précisément l'art du camouflage. Inspiré du spectacle et du cinéma, ces techniques appliquées à l'espionnage ont pour objectif de protéger les agents en mission en transformant leur aspect physique et donc de détourner d'eux l'attention de l'ennemi. Pour eux, Tony Mendes et son équipe fabriquent sur mesure des masques invisibles, des prothèses nasales, des perruques et des fausses moustaches. Toutes sortes de travestissements qui doivent donner l'illusion de la réalité sans éveiller le moindre soupçon. En apparence rigolo et futile, ce travail confère à Tony Mendes une vraie responsabilité. Comme la fausse pièce d'identité, un déguisement raté peut conduire un agent à l'arrestation ou à la mort, dans tous les cas, à l'échec de sa mission. C'est au Laos, en 1971, que Tony Mendes expérimente pour la première fois sa technique du camouflage. Le Laos, ce pays d'Asie alors engagé comme le Vietnam dans un conflit de guerre froide. Officiellement, les États-Unis ne sont pas impliqués militairement au Laos. En réalité, ils apportent une aide secrète au maquis anticommuniste par le biais de la CIA. Quand Tony Mendes débarque au Laos, la capitale, Vientiane, est un véritable nid d'espions. Mais c'est aussi une petite ville où tout le monde connaît et reconnaît tout le monde, que ce soit les amis ou les ennemis. À Vientiane, une rencontre ultra-secrète doit avoir lieu entre un officier de la CIA et un membre du gouvernement laotien. Le premier est afro-américain, le second asiatique. Et tous les deux sont bien connus de la population, donc facilement reconnaissables. Comment faire pour que ces deux hommes puissent se rencontrer en toute discrétion ? Tony Mendes a alors l'idée de leur fabriquer des masques, qui leur donneront l'aspect de deux Caucasiens totalement inconnus. Le jour du rendez-vous, les deux hommes masqués passent les barrages sur la route, sans être arrêtés, et leur rencontre secrète a lieu en toute sécurité. Une réussite qui vaut enfin un peu de reconnaissance à Mendes et à son service du camouflage, pas vraiment pris au sérieux par ses collègues de la CIA. Des postiches et des faunés, c'est du carnaval, ça, pas de l'espionnage. En 1974, consécration, Tony Mendes est promu chef du camouflage de l'OTS, The Master of Disguise. Mais c'est à Moscou que son expertise se révélera capitale. « Dans les années 70 et 80, les deux décennies qui précèdent la chute du bloc soviétique et qui, paradoxalement, sont aussi celles d'une vive tension Est-Ouest, Tony Mendes se rend régulièrement à Moscou, le cœur névralgique du camp communiste. L'ambassade des États-Unis à Moscou est évidemment sous surveillance constante du KGB, le renseignement soviétique. L'objet même d'attaques, puisque de 1953 à 1976, l'ambassade fut la cible permanente de radiations de micro-ondes transmises depuis un immeuble à côté. Ces attaques avaient sans doute pour but de brouiller le système de surveillance électronique des Américains. Mais les radiations seront également soupçonnées d'avoir provoqué de nombreux cancers parmi le personnel de l'ambassade. Un exemple de l'ambiance plutôt anxiogène qui règne dans la capitale soviétique. De l'avis de tous les espions occidentaux qui en ont fait l'expérience, Moscou est aussi le lieu au monde où il est le plus difficile de travailler. À Moscou, nous sommes surveillés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Impossible de circuler en voiture ou de marcher dans la rue sans être immédiatement suivi. Tout est fait pour nous empêcher de rencontrer qui que ce soit. À l'ambassade, les employés russes sont tous des agents du KGB. Et quand nous rentrons chez nous le soir, nous savons que les murs sont truffés de micros. Pourtant, la CIA doit impérativement collecter des renseignements, prendre contact avec les quelques soviétiques qui ont accepté au risque de leur vie de collaborer avec eux. C'est le cas d'Alexandre Ogorodnik, nom de code Trigon, un diplomate russe qui, depuis plusieurs années, fournit des renseignements d'une grande valeur stratégique aux Américains. Mais à Moscou, Trigon vit en permanence dans la peur d'être découvert. Redoutant, en cas d'arrestation, d'être torturé et de parler, Trigon a demandé à la CIA de lui fournir du cyanure, un poison qui permet une mort instantanée. Accédant à sa demande, la CIA lui fournit un nouveau gadget de l'OTS, un stylo-plume dont le capuchon contient une capsule de cyanure. En cet hiver 1976, Jack Downing, le chef de la station de la CIA à Moscou, décide qu'il doit absolument rencontrer Trigon en face à face. Pour le remercier de la part de la Maison-Blanche, le rassurer et le convaincre de poursuivre son travail. Mais comment se rencontrer à Moscou sans mettre en danger la vie de Trigon ? C'est Tony Mendes qui va apporter la solution. Certains employés de l'ambassade étant moins surveillés par le KGB que d'autres, Mendes propose à Jack Downing de prendre l'apparence de Ron. Ron est un employé technique de l'ambassade que les gardes soviétiques en poste à l'extérieur du bâtiment, habitués à le voir, laissent passer sans histoire. Mendes fabrique un moulage du visage de Ron ainsi que des postiches ressemblant le plus possible aux cheveux longs et à la grande moustache de Ron. Et Jack Downing portera la même tenue que Ron. Un pantalon à pattes d'ef, orange vif, des bottes assorties, une saharienne usée et sur la tête un Stetson beige. Mais ce déguisement très cow-boy des années 70 ne suffit pas. Mendes demande à Jack Downing de s'exercer à imiter la démarche et la gestuelle de Ron. Arrive le jour J et le moment où Jack, habillé en Ron, sort de l'ambassade comme si de rien n'était. Dans la rue, les gardes russes qui surveillent le bâtiment ne remarquent rien de particulier. Celui qu'ils prennent pour Ron lance quelques blagues, comme il le fait toujours, et monte dans la voiture de ses collègues. Ils ont fini leur journée de travail et s'apprêtent en toute apparence à passer la soirée ensemble. La voiture démarre. Jack, en plus de son déguisement, porte derrière l'oreille un petit récepteur, un gadget tout nouveau de l'OTS, qui permet de repérer d'éventuelles fréquences de la surveillance du KGB. Jack n'entend rien dans son récepteur. Tout semble donc aller bien. Quand la voiture approche du lieu prévu, Jack enlève son déguisement et en révèle un autre. Sous l'habit de cow-boy, il porte des vêtements russes qui doivent cette fois lui donner l'aspect d'un moscovite ordinaire. Lorsqu'il est prêt, la voiture passe un tournant et ralentit, mais sans s'arrêter. Jack, formé à ce genre d'exercice, se glisse hors de la voiture qui poursuit sa route. Il regarde autour de lui. Personne. Il est seul et peut désormais se rendre à son rendez-vous avec Trigon. Les deux hommes passeront 2 heures ensemble à parler et à marcher dans un parc de Moscou. une telle rencontre aurait été impossible sans l'art du camouflage de Tony Mendes. Mais ce que Mendes ne pourra empêcher, c'est l'année suivante l'arrestation par le KGB de Trigon, trahi par un agent double. Dans sa prison, Trigon demandera de pouvoir écrire sa confession avec son propre stylo-plume. Il mordra le capuchon qui dissimule le cyanure et mourra instantanément. Mais en cette fin des années 70, à côté de la guerre entre l'Est et l'Ouest, une nouvelle force politique, totalement inattendue, fait son apparition sur la scène mondiale, l'islam politique. L'Iran qui, ce matin, a définitivement changé de visage. Il aura donc suffi de 2 jours seulement pour que l'insurrection armée balaye définitivement l'ancien régime. Ce matin, les derniers bastions sont tombés aux mains des révolutionnaires, notamment le centre de torture de la Savak et surtout la garde impériale. Philippe Châtenay, l'envoyé spécial d'Antenne 2, le 12 février 1979. Après presque un an de manifestations durement réprimées par l'armée, les Iraniens ont mis fin au règne autoritaire du Shah Mohammad Reza Pahlavi, qui bénéficiait de l'appui des États-Unis et qui a fui le pays. Le nouvel homme fort en Iran est un religieux chiite, l'ayatollah Khomeini, qui au cours de l'année 1979 prend le titre de guide suprême de la révolution islamique. En octobre, la colère gronde contre les États-Unis qui viennent d'accepter de recevoir le Shah pour qu'il puisse soigner son cancer. Chaque jour à Téhéran, des manifestants qui réclament l'extradition du Shah se massent devant l'ambassade des États-Unis au cri de « Allah est grand et mort aux Américains ». À l'intérieur du bâtiment, les diplomates ont fini par s'y habituer. Mais le 4 novembre 1979, survient l'impensable. Ils ont franchi les murs. On devrait se barrer. This is NBC News, brought to you by GTE. Bonsoir. L'ambassade américaine de Téhéran a été envahie et attaquée par des étudiants. La diplomatie américaine a envoyé un message à l'ayatollah Khomeini. Malgré le sang-froid et la résistance de nos Marines, tout le personnel américain est retenu en otage. Les premiers jours, Washington ne doute pas que par la négociation, les otages seront bientôt libérés. Mais contre toute attente, l'ayatollah Khomeini apporte son soutien aux preneurs d'otages. C'est le début d'une crise qui, pendant 444 jours, va faire trembler l'Amérique, bientôt hantée par les images humiliantes des otages aux yeux bandés qui passent en boucle sur les télévisions. En guise de rétorsion, Washington fait geler les fonds iraniens placés dans des banques américaines. Au siège de la CIA, à Langley, près de Washington, Tony Mendes est sur le pied de guerre. Notre espion, à cette date, n'est plus seulement « master of disguise ». Il est devenu à la CIA un spécialiste de l'exfiltration, reconnu pour ses expertises et sa réussite de missions délicates. En décembre 1979, donc, on apprend que le jour de l'attaque de l'ambassade, 6 diplomates américains ont réussi à s'échapper. Après 4 jours de cavale, ils ont trouvé refuge à l'ambassade du Canada, qui courageusement leur a ouvert sa porte. Les 6 américains y vivent en sécurité depuis un mois. Mais pour combien de temps encore ? Que se passera-t-il si les Iraniens se rendent compte que 6 Américains manquent à l'ambassade et si leur cache est découverte? Une cellule de crise est créée à la CIA pour mettre sur pied un plan de sauvetage. Toutes sortes de scénarios sont envisagés. Faire évacuer les Américains en voiture, puis par bateau par le golfe Persique, ou en passant par la Turquie. L'hypothèse d'une évacuation en voiture, jugée trop risquée, est vite abandonnée. L'opération sera menée en avion depuis l'aéroport de Téhéran. Mais comment passer les contrôles de police draconiens de la jeune République islamique ? Pour cela, il faut imaginer une couverture crédible et solide, adaptée à ces 6 Américains qui ne parlent aucune langue étrangère et n'ont jamais été formés à la clandestinité. Le gouvernement d'Ottawa accepte de leur fournir des passeports canadiens. Mais comment justifier la présence de ces 6 Canadiens en Iran en pleine révolution ? Des professeurs d'anglais venus enseigner en Iran ? Impossible. Toutes les écoles de langues étrangères ont fermé à Téhéran. des chercheurs en agronomie, les policiers iraniens se rendraient vite compte que les six Américains n'y connaissent rien. Tony Mendes a alors une idée saugrenue. Vous connaissez des films de science-fiction, Star Trek, Star Wars, il faut des extérieurs exotiques pour les tourner. Un paysage lunaire, Mars, le désert, enfin vous voyez. Maintenant, imaginez ça. C'est une équipe de tournage canadienne à la recherche de lieux de tournage pour un film de science-fiction. On l'annonce partout. Les producteurs canadiens racontent partout qu'on envisage l'Égypte, Istanbul. Ensuite, on se rend au consulat et on leur dit « Hé, on envisage aussi l'Iran. Je pars pour Téhéran. » Et on repart tous en tant qu'équipe de tournage. Un faux tournage de films de science-fiction. Pour mener à bien ce projet fou, Tony Mendes compte faire appel à John Chambers, le célèbre maquilleur de Hollywood, qui par le passé déjà lui a donné de sérieux coups de main en l'initiant à l'art du camouflage. Par exemple, pour monter le fameux rendez-vous secret au Laos en 71. Véritable star dans le milieu du cinéma, John Chambers est le créateur des oreilles pointues de Spock dans Star Trek, des masques de Mission Impossible et bien sûr de La Planète des Singes, le grand succès de 1968 avec Charlton Heston. Le monde inconnu qu'il découvre dans l'espace défie tout ce que l'esprit peut concevoir. Une planète où les êtres supérieurs sont les singes. Twentieth Century Fox a porté à l'écran La Planète des Singes. John Chambers, qui 20 ans plus tard recevra la médaille du mérite de la CIA, accepte immédiatement d'aider son ami Tony Mendes. Cette fois, c'est moins à l'habile technicien qu'il fait appel qu'au professionnel de Hollywood. Associé à un autre maquilleur de film, Bob Seidel, le futur créateur de E.T., les trois hommes, sous de fausses identités, créent Studio 6 Production, 6 comme les 6 diplomates. Une société de production bidon pour laquelle ils louent des bureaux à Los Angeles, fabriquent des cartes de visite et installent une ligne de téléphone. Le film bidon qu'ils prétendent tourner s'appellera Argo, allusion au navire mythologique de Jason en quête de la Toison d'or. Le scénario est très mauvais, aucune importance. Le seul intérêt est que son action se situe dans un pays du Moyen-Orient un peu flou. En l'occurrence, ce sera l'Iran. Pour faire encore plus vrai, Tony Mendes et ses amis font paraître dans des magazines de cinéma professionnels des pubs qui annoncent le film. Une conflagration cosmique, promet-on. Et la CIA ne lésinant pas sur les moyens, ils organisent même une soirée de lancement du film dans un nightclub de Los Angeles. Pendant ce temps, à Téhéran, toujours enfermés à l'ambassade du Canada, les six Américains, qui n'ont bien sûr aucune idée du projet d'évasion, tentent de dissiper leur angoisse en jouant aux cartes ou au Scrabble. Ils ignorent aussi qu'autour d'eux, l'étau se resserre. Les Iraniens ont confié à des enfants la tâche de reconstituer les pages des documents que les Américains ont passés à la broyeuse pendant l'attaque de l'ambassade. Un travail de fourmi qui, au fil des semaines, commence à porter ses fruits. Les Iraniens risquent donc à tout moment de découvrir qu'il manque 6 personnes parmi les otages. Le danger vient aussi de la presse. Un journaliste canadien, Jean Pelletier, qui enquête sur les otages à Téhéran, a compris que quelques-uns d'entre eux ont réussi à s'échapper. Mais il promet à son gouvernement de ne rien révéler et de renoncer à son scoop. Pour Tony Mendes, il est urgent de passer à l'action. Mais il doit encore faire valider son projet fou par le gouvernement américain. Des robots et des extraterrestres. Oui, monsieur. Vous voulez me dire qu'il y a un studio de cinéma à Hollywood en ce moment qui est financé par la CIA? Oui, monsieur. Et tout le monde connaît les gens d'Hollywood. On sait bien qu'ils tourneraient à Stalingrad avec Pol Pot comme réalisateur si c'était vendeur. Toutes les solutions sont mauvaises. Il faut choisir la meilleure. Vous n'avez pas de meilleure mauvaise idée que celle-ci? C'est la meilleure mauvaise idée que nous ayons. Et de loin. Le 25 janvier 1980, sous le pseudo de Kevin Harkins, notre espion atterrit à Téhéran. Après de nombreux détours, il arrive enfin à l'ambassade du Canada. Bonjour, je m'appelle Kevin Harkins et je viens vous chercher. Voici les scénarios pour vos fausses identités. Quelles sont nos chances ? Vos chances sont bonnes. On ne pourra pas tenir ces rôles, on ne connaît rien au métier du cinéma. C'est pour ça que je suis là. Je vais vous l'apprendre, je serai avec vous tout le temps. C'est mon boulot. À chacun, Tony Mendes confie un rôle dans le tournage du film. La scénariste, le réalisateur, la décoratrice, le coordonnateur du transport, le producteur associé. Et à chacun, une biographie à apprendre par cœur et des éléments de camouflage physique. Coiffure, vêtements, accessoires, maquillage. Tout pour que les six Américains soient méconnaissables et collent à leur nouvelle identité. Le 28 janvier 1980, à 4h du matin, ils disent au revoir avec émotion à l'ambassadeur du Canada et prennent la route de l'aéroport de Téhéran. La peur au ventre, la fausse équipe de cinéma se dirige vers le contrôle. « Soyez sûrs de vous et ayez l'air innocent », leur avait dit Tony Mendes. Les six Américains ont compris que cette fuite rocambolesque est leur seule chance et que l'espion de la CIA qui les emmène n'a pas de plan B en cas de problème. La première étape, le contrôle des passeports, se passe sans difficulté. Mais à cause d'un problème technique, le vol est retardé. Une attente insupportable. Enfin, les Américains embarquent à bord du vol Swissair qui doit les conduire à Zurich avant de partir pour les États-Unis. Swissair 363 autorisé à décoller. Annoncer que les boissons alcoolisées sont à présent disponibles car nous avons quitté l'espace aérien iranien. Tony Mendes lève son verre de Bloody Mary. Ça y est, nous sommes libres et nous serons bientôt à la maison. L'évasion devait rester secrète pour ne pas mettre en danger la vie des otages toujours détenus à l'ambassade à Téhéran. Mais la nouvelle fuite dans la presse. Partout alors, aux États-Unis, on assiste à un énorme élan de reconnaissance envers le Canada qui a sauvé six Américains. Une petite fille de 7 ans, Shelley Looney, enregistre même un 45 tours pour l'occasion. Dear Canada, I'm writing this letter to thank you for helping them six Americans. In Iran. I'm not the only one writing you a letter. All my friends are too. Oh yeah, I almost forgot. My name is Shelley. Officiellement, c'est le Canada seul qui a mené l'exfiltration. L'action des États-Unis et de la CIA doit impérativement rester secrète. Tony Mendes, qui vient de réussir la plus spectaculaire exfiltration de sa carrière, est tout de même reçu 2 minutes chrono dans le bureau ovale de la Maison-Blanche et remercié par le président Carter. Mais le problème des 39 Américains qui sont toujours otages à Téhéran reste entier. Une tentative de sauvetage menée en avril 1980 par l'armée américaine tourne au fiasco dans le désert iranien. Les otages ne seront libérés qu'en janvier 1981, après une captivité de 444 jours. L'affaire vaudra à Jimmy Carter de ne pas être réélu. Il faudra attendre 1997 pour que la CIA autorise Tony Mendes, l'incite même, à raconter son histoire. Mais c'est bien sûr le succès du film Argo de Ben Affleck en 2012 qui mettra en lumière l'agent secret. Un peu trop peut-être. En faisant de Mendes le seul héros de l'exfiltration, le film passe quasiment sous silence le rôle du Canada. Au-delà du film Argo, il est vrai que pour les États-Unis, l'édification du héros Tony Mendes tombait à pic pour faire oublier l'humiliation de la prise d'otage à Téhéran. Elle permettait aussi de redorer le blason de la CIA, longtemps discrédité par ses coups tordus pendant la guerre froide. 1990, Tony Mendes prend sa retraite après 25 ans à la CIA. Il écrit ses mémoires et partage sa vie entre sa maison dans les bois, où il s'est remis à la peinture, et la direction du musée de l'espionnage à Washington, dont il s'occupe avec sa seconde épouse, Jonna Mendes, espionne elle aussi. Tony Mendes meurt en 2019, à l'âge de 78 ans. Tony Mendes, un agent de la CIA à Téhéran. Prise de son Gilles Gaillard, mixage Benjamin Orgeret, réalisation Fabrice Lègle, assisté d'Anna Massardier. Espion, une histoire vraie de Stéphanie Duncan est un podcast original de France Inter.